fond de Ponyville, originaire de Clouds-Dale. Il y avait une pégase aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle s'appelait Rainbow Dash. Elle s'appelait Rainbow Dash. Lorsqu'elle vit Twilight en 10 secondes pile poil, elle nettoya le ciel, histoire de lui faire bien voir qu'elle s'appelait Rainbow Dash. Elle s'appelait Rainbow Dash. Un jour elle réussira à créer un Sonic Red Boom. Elle ne manque pas de swag parce que ce poney est 20% plus cool. Pégase de couleur ciel, élément de loyauté. Un jour elle deviendra une Wonderball diplômée. Elle s'appelait Rainbow Dash. Elle s'appelait Rainbow Dash. Elle s'appelait. Elle s'appelait Rainbow Dash.